tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. Nostalgie, il est 3h. Just about to burst. There's a quest for answers and a creature.

think you're mad, too unstable, kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant in a West End town. Call the police, there's a madman around, running down underground to a dive bar in a West End town. In a West End town, the dead end world, the East End boys and West End girls. In a West End town, the dead end world, the East End boys and West End girls. Whispering voices, faces on posters, too many choices. If, when, why, what, how much have you got? Have you got it? Do you get it? If so, how often would you choose a hard or soft option? les machines arrêtent. Still fly. tube. Plus que tout au monde, j'aime te l'entendre dire. Et pour rien au monde, je ne laisserai un autre te dire que tu comptes plus que tout. Thank you. Les plus grands tubes. Till you. sorte ce soir. Elle me fait toujours quand je viens vous voir. Mon cher amour, toute une histoire. Des aventures, je peux dire que j'en ai eu des tonnes. Mais celle-ci dure depuis 3 mois et ça m'étonne. Car l'amour m'est venu par hasard quand je suis monté dans sa Jaguar. Pour que je me fasse percer l'oreille pour qu'elle puisse m'offrir un diaps. Maintenant je me fais traiter de pédé pour faire plaisir à ma poupée. Pour les vacances elle veut qu'on aille à Saint-Tropez. J'ai des amis qui paraît-il sont très pop. Non seulement j'ai plus un copain, mais en plus faut que je me fasse les siens. J'en ai marre de cette nana là, marre de cette nana. Mon oreille percée. Je me suis fait prendre en traversant la frontière. Procès, jugement, 3 mois ferme. Je suis sorti hier. Elle m'attendait dans sa Jaguar. L'amour m'est revenu par hasard. To be

Il est 4 heures. can't take my eyes off of you. The devil inside, Nostalgie. Les plus grands tubes. Toujours en fraude, des champs de coton dans ma mémoire, trois notes bleues. you gonna do when the flames go up? Who's gonna come and turn the tide? What's it gonna take to make a dream survive? Who's got the touch to calm a storm inside? Who's gonna save you? Set of boots on your welcome mat. You just in your cat. Just don't wanna tell you, honey, I am mad. But I don't wanna go on to you like that. No, I don't wanna go on to you like that. Mama say the boots on your welcome mat. You just have to quit them if you want me back. No, I don't wanna go on to you like that. Oh, oh, oh, oh. You.

social, sincere, the deepest ocean, the sincere, the water, you're just like a dream, just like a dream. I must have been asleep for days. Moving lips to breathe her name, I opened up my eyes and found myself alone, alone, alone above a raging sea. Stole the only girl I love, drowned her deep inside of me. You grew soft and lonely, you grew lost and lonely. Just like heaven. Au moins 110 ans.

toujours beaucoup de musique à partager sur Nostalgie. À 5h du mat, on marque 2 minutes d'info. Bonjour Patrice Pavot. Bonjour Julien, bonjour à tous. Européens et Américains se retrouvent ce vendredi à la conférence sur la sécurité de Munich, ce grand rendez-vous annuel de l'élite diplomatique. La guerre en Ukraine va dominer les discussions. Volodymyr Zelensky se rend en Allemagne où il va rencontrer la nouvelle administration américaine. Elle pressée d'ouvrir des discussions sur un plan de paix en Ukraine. Kiev assure que des discussions avec les Russes ne sont pas envisagées à ce stade, contrairement aux annonces de Trump. Les contours d'un plan de paix sont très différents pour Kiev, ses alliés européens et Moscou. Le président américain a fait une série de déclarations pressantes pour des négociations immédiates avec la Russie. Zelensky lui insiste sur une paix juste et des garanties de sécurité, craignant que les discussions se fassent en Ukraine. Les Européens affichent aussi des inquiétudes. Une paix qui soit une capitulation serait une mauvaise nouvelle pour tout le monde, a averti le président Macron. À la veille de cette conférence de Munich, un jeune Afghan a blessé 30 personnes lors d'un attentat à la voiture Bélier visant une manifestation dans cette ville d'Allemagne. Le suspect a été arrêté. 30 personnes ont été blessées, dont certaines grièvement. Ce drame a tendu un peu plus la campagne électorale en Allemagne, déjà dominée par les questions d'insécurité et d'immigration. Les investigations se poursuivent après l'attaque à la grenade qui a fait une quinzaine de blessés mercredi soir dans un bar d'un quartier populaire de Grenoble. Les habitants se sont dit choqués mais pas surpris par la violence. La juridiction interrégionale spécialisée dans la criminalité organisée du parquet de Lyon s'est saisie de l'enquête. L'attaque pourrait être liée à un règlement de compte au trafic. Ce vendredi, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, doit effectuer un déplacement à Grenoble sur le thème de la sécurité du quotidien, visite qui était déjà prévue avant l'explosion de mercredi soir. Ce week-end marque le début des vacances scolaires pour la zone C et la seconde semaine de congé pour la zone B. Ce vendredi, dans le sens des départs, la journée classée vert au niveau national, orange en Ile-de-France et en Bourgogne et Est. La journée la plus circulée du week-end devrait être le samedi avec une circulation très importante sur les axes desservant les stations de ski. La météo, le soleil revient enfin ce matin sur les régions du Nord et du Grand Est. Belles éclaircies également en direction de la Méditerranée. De nombreux nuages sur l'Ouest. Les températures 2 à 17 degrés pour les maximales. Bon réveil sur Nostalgie. Bonne fête à tous les amoureux, mais aussi aux amis, les Nostacopains qui sont déjà branchés sur Nostalgie. Vous êtes là pour votre dose de tube. Alors en avant avec Cyndi Lauper et le meilleur de Philippe et Sandy jusqu'à 6h. poil sur les filles. Parc sur le Nil. Je suis dans ta vie. Je suis dans tes bras. Alexandra, Alexandrie, Alexandrie où l'amour danse avec la nuit. J'ai plus d'appétit qu'un barracuda. Je boirai tout le Nil si tu ne me retiens pas. Je boirai tout le Nil si tu ne me retiens pas. Alexandrie, Alexandra, Alexandrie où l'amour danse au fond des bras. Ce soir j'ai de la fièvre et toi tu meurs de froid. Et parc sur le Nil. Je suis dans ta vie. Je suis dans tes draps. Oui. Alexandra, Alexandrie, Alexandrie où tout commence et tout finit. J'ai plus d'appétit qu'un barracuda. Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Ou Alexandrie, Alexandra, Alexandrie, ce soir je danse dans tes draps. Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Nostalgie, la radio des plus grands tubes. Nostalgie. Et des plus grands concerts aussi. Ouais, toujours aussi fier d'avoir notre logo sur l'affiche de Kool & The Gang le 15 juin à la scène musicale près de Paris. La formation du New Jersey nous dépose l'un de ses plus grands succès après le meilleur de Philippe et Sandy. Et on est bien d'accord, ce matin il fait un froid de canard. Hein. 6h-9h. Les matins Nostalgie. Philippe et Sandy. Salut à la France qui se lève tôt. Je sais que vous êtes nombreux à nous écouter déjà au boulot ce matin. Fred à Lombez. C'est le foie gras ça. Oh là là, le Gers. Salut Fred. Bonjour Fred. Bonjour Sandy, bonjour Philippe. Comment ça va Fred? Impeccable, sur la route pour aller au boulot. Bah très bien, vous êtes formateur aéronautique. C'est vrai que dès que tu arrives en France, dans le sud-ouest de la France, c'est soit canard, soit avion. Oui. Voilà, tu... On est d'accord, on est bien de toute façon. C'est ça, et un peu rugby aussi. Ah bah oui, évidemment. Et les copains. Là, moi, j'ai un copain du sud-ouest qui vient me voir. Bah, il viendra nous voir demain matin. Ouais. J'ai un copain de Béziers, je peux vous dire que ça va rigoler ça ce midi. Très bien. Alors, Fredo. Oui, bon anniversaire au Monopoly, 90 ans aujourd'hui. C'est le jeu de société le plus connu dans le monde. Par cœur. Est-ce que vous connaissez bien le Monopoly, Fred? Alors, on va voir. Je connais bien, peut-être. Quelle case rapporte toujours de l'argent quand on passe dessus? La case départ ou la case ANOVA? Ah, ben c'est la case départ, généralement. Ouais. C'est quoi, 20 000 balles, hein? 2000 euros. C'est, ah, mais... ah, c'est 2000. Ah oui, c'est 2000. Ah, mais je joue en francs, moi. Et moi, je bosse à Nostalgie, je m'en francs, moi. C'est longtemps que t'as moi pas aussi, joué. Moi aussi, j'étais. On continue, Fred. Quelle chanteuse parle du Monopoly dans l'un de ses tubes? Est-ce Zazie ou Véronique Sanson? Zazie. Oui, c'est rue la rue de la Paix, évidemment. Mettre un hôtel rue de la Paix. Ouais. Vous savez jouer au Monopoly un petit peu? Ouais. C'est le truc qui coûte le plus cher en amende. Hein. C'est vrai. L'hôtel rue de la Paix. Moi, je joue pas souvent parce que c'est long, en fait. Ouais. C'est trop long. En fait, les parties sont interminables. Donc. Ouais. Toi, voilà. Tu veux dépenser l'oseille ouais, tout de suite. Tout de suite, moi. Rue Le Courbe, avenue Foch, je suis chez moi. Au Monopoly, quelle est la particularité de la rue de la Paix, justement? Quand tu tombes dessus, tu dois faire la paix avec tous les joueurs ou c'est la rue la plus chère du jeu? La rue la plus chère du jeu. Voilà. Bah, c'est, la, c'est ce qu'on aime bien. Bah, la rue la plus chère du jeu. 400 bah, oui. billets. Et quand on même. Peut mettre jusqu'à 4 hôtels, hein, les gars, dessus. En plus. Mmh. Fred, vrai ou faux, grâce au Monopoly, il est possible d'acheter la Joconde? Je ne crois pas, non. Et si c'est vrai, il y a des centaines d'éditions différentes au Monopoly, dont celle du Louvre. Et il existe des versions séries, films et aussi villes, comme le Monopoly de mon cul. Ah, nous on a le Monopoly du Gers. Ah bah oui, il y en a partout. En fait. Qu'est-ce que c'est, et ça, c'est comment le Monopoly du Gers? Des canards. Ah, c'est avec plus de canards, d'armagnac. Ah. Ah voilà, à chaque fois que tu passes à la case départ, un choc. Enfin, le mec il finit. Je te donne la vue fauche. Je aussi. Te donne comme mon copain. Le chanteur Sting a été approché par les créateurs du jeu pour lancer le Monopoly. Vrai ou faux? Je crois pas que ça soit. Allez, cadeau, Fredo, bien c'est joué. Votre fille Havana qui va être contente pour ouais. elle, la toute nouvelle enceinte JBL. Bravo. Bravo, Fred. Merci. Merci à vous, Sandy. Et continuez, vous mettez vraiment plein de bonheur le matin. Quoi. Philippe et Sandy arrivent dès 6h en direct sur Nostalgie. Can be. No one knows her name. She's just a mystery. beaucoup de musique pour un réveil tonique avec Nostalgie. Nostalgie. Et d'autant que c'est vendredi, ça aide un petit peu les choses. Nous sommes le 14 février, 3 minutes de lumière en plus, 10h10 de jour en tout, en ce 45e jour de l'année. Bonne fête bien sûr à tous les Valentins. Valentin qui veut dire vigoureux en latin, paraît-il, et croyez-moi, il faudra l'être. Bon anniversaire à Roland Giraud, le comédien qui faisait de la pub à ses débuts pour Tang, la célèbre boisson chimique à l'orange. Anniversaire aussi de Zach Galligan, le héros de Gremlins, et puis Raphaël Ritchie, que le grand public a connu en tant que professeur d'expression scénique à la Star Academy. On va retrouver celle qui nous donne des nouvelles désastres chaque matin. Sandy et son horoscope spécial Saint-Valentin, attention, entouré par les plus grands tubes de Rick Astley et Rita Mitsouko aussi sur Nostalgie. Avec Nostalgie, on rembobine les années 80. Gagnez les plus grands tubes des plus grands artistes en version cassette audio et aussi le radio cassette pour les écouter. Pour gagner, amusez-vous à jouer au blind test Nostalgie. Tous les jours de la semaine à 10h15 et 17h15. Cassette et radio cassette à gagner. Les années 80 n'ont jamais été aussi tendance. Avec Nostalgie, les plus grands tubes. Nostalgie, les plus grands tubes. Bad boys, bad boys, bad boys. Bad boys. Try! Texas Midnight Runners, Thierry Pastor. Quelle autre radio que Nostalgie vous propose les plus grands tubes dès votre réveil? Bah aucune, c'est tout simple. Voilà pourquoi on va écouter Tout ce beau monde après l'horoscope de Sandy, spécial Saint-Valentin, attention. Et on commence avec ces charmeurs de Bélier. La soirée s'annonce glamour et sensuelle, la lueur des bougies éclaire votre regard d'une couleur fauve. Pour la Saint-Valentin, les taureaux, c'est décidé. Vous roucoulez à la maison, vous choisissez un traiteur raffiné côté look. Voilà, tout simplement irrésistible. Ce soir, les Gémeaux, vous optez pour une ambiance exotique et pour un menu découverte aux saveurs inconnues. Cancer, vous choisissez le juste milieu entre faste et simplicité. Si vous avez envie de surprendre, faites-le avec un soupçon d'humour et une étincelle d'audace. Ce vendredi, les Lions favorisent la bonne humeur, gare à un surplus de travail qui pourrait retarder vos préparatifs. Alors prévoyez un plan B. Les Vierges, la soirée est sereine et vous avez envie de vous retrouver dans un lieu authentique. Le vrai luxe ce soir, c'est celui de la simplicité. Pour la Saint-Valentin, les Balances, vous évoquez l'endroit qui a abrité votre premier tête-à-tête, un joli pèlerinage amoureux. Scorpion, les amoureux organisent une soirée planifiée comme une réunion au sommet. Ne gâchez pas la spontanéité du moment et lâchez votre planning. Dîner, spectacle, les Sagittaires, concerts ou divertissements, l'harmonie naît d'une soirée bien commencée. Bravo à vous. La soirée est amusante pour vous. Les Capricornes, vous préférez retrouver des amis qui ont les mêmes idées que vous. Votre tendre moitié appréciera. Les Verseaux, faites preuve de petites attentions, de gestes certes sobres mais tendres. Dégainez ce regard de velours qui sait si bien le ou la faire craquer. Et puis les Poissons, si votre amoureux y tient, pliez-vous gentiment à cette Saint-Valentin imposée. Curieusement, la soirée pourrait figurer dans vos plus tendres souvenirs. C'est vendredi sur Nostalgie, les plus grands tubes toute la journée, beaucoup de musique pour arriver très vite à 19h ce soir dans On se tutoie. Jean-Luc Reichmann se retrouve en tête à tête avec Alain Chamfort pour la Saint-Valentin. Il sera forcément question de son dernier album, de la tournée qui reprend en mars, avril, mai avec nous. En revanche, il sera trop tôt pour connaître le palmarès des victoires de la musique. Nous, on va repartir là avec Dexys Midnight Runners, avec Thierry Pastor, avec Marvin Gaye et même Jean-Louis Aubert, les plus grands tubes sur Nostalgie. Et à 5h30, tout ce qu'il faut retenir de l'actu, c'est avec Patrice Pavot. Bonjour Patrice. Bonjour Julien, bonjour à tous. La conférence sur la sécurité de Munich s'ouvre aujourd'hui, le rendez-vous annuel de l'élite diplomatique. La nouvelle administration américaine est pressée d'ouvrir des discussions sur le plan de paix en Ukraine. À la veille de ce rassemblement, le président américain Trump a annoncé la tenue d'une réunion aujourd'hui à Munich entre deux hauts responsables de Russie, d'Ukraine et des États-Unis. Rencontre aussitôt démentie par Kiev, qui n'envisage pas de participer à une réunion à Munich avec des responsables russes. Sous pression maximale, le président ukrainien Zelensky sera sur place. Kiev réclame une paix juste et des garanties de sécurité. L'Allemagne met en garde contre des négociations menant à une victoire russe et à un effondrement de l'Ukraine qui n'apporterait pas la paix. Au contraire, les Européens ont un rôle à jouer dans les discussions sur la sécurité régionale, prévient la France. L'Allemagne, frappée par une attaque à la voiture Bélier, le chancelier Olaf Scholz a promis d'expulser un demandeur d'asile afghan, auteur présumé d'un attentat hier à Munich. Une voiture s'est approchée d'un cortège par l'arrière avant de doubler un véhicule de police et de faucher des dizaines de personnes. Ce drame a fait une trentaine de blessés et électrisé la campagne électorale des législatives dans le pays. Un ancien vice-président de la Fédération française de tennis, Jean-Pierre Dartevelle, a été condamné à 10 ans de réclusion par la cour criminelle du Doubs. Cet ancien dirigeant a été reconnu coupable de viol sur une ancienne joueuse de près de 50 ans, sa cadette. La victime, aujourd'hui âgée de 25 ans, avait entre 17 et 19 ans au moment des faits. Ce week-end, c'est le début des vacances scolaires pour la zone C et la seconde semaine de congé pour la zone B. La journée la plus chargée du week-end, ce sera samedi, avec une circulation très importante sur les axes desservant les stations de ski. Edgar Gros-Piron, le champion olympique de ski de bosse en 92, va être proposé pour présider le comité d'organisation des JO d'hiver 2030 dans les Alpes françaises. C'est ce qu'indique une source proche du dossier. La météo, le soleil va revenir enfin ce matin sur les régions du Nord et du Grand Est. Belles éclaircies en direction de la Méditerranée. Des nuages nombreux sur l'ouest, humide sur l'arc atlantique. Les températures 2 à 17 degrés pour les maximales. Bon réveil sur Nostalgie. Bonjour la France qui se lève tôt. Nostalgie. En particulier vous, Loïc. Premier café du côté de Saint-Etienne, premier d'une longue série hein, en ce vendredi. Vous êtes accro. Et Loïc, surtout, vous êtes chaud comme la braise pour aller voir la reine de la Motown qui vient d'annoncer son grand retour pour une date unique en France. La playlist de Philippe et Sandy sur Nostalgie. Tous les jours, on parle musique. Hein. On a appris hier que Diana Ross revenait en concert, dis donc. Et oui, après 18 ans d'absence, c'est la grosse nouvelle. Elle vient de l'annoncer. Elle sera à l'Accor Arena de Paris le 6 juillet. Elle est au courant ou pas? Oui, je crois. Alors on va faire appel à vos souvenirs de musique. Christelle de Saint-Ouen nous demande Upside Down. C'est la plus classique, la plus énorme. Mais t'as raison, Sandy. Bah oui. Mais tu vas voir qu'on va pouvoir le dire à chacun des titres. Oui, mais c'est ça qui est fou. Daphné de Blois part dans les années 80. Oh là là. Y'a qui dans les cœurs les Bee Gees. Les Bee Gees, bah oui, on reconnaît quand même le petit côté aigu. Hein. Oh, c'est sympa pour la carrière des Bee Gees. Hein. Oh là là, ils me pétaient les tympans, ceux-là. Là. Tom. Moi, c'est Ain't No Mountain High Enough. Oula. Bah oui. Ah ouais. Comment s'appelait le groupe de Diana Ross? C'était les Suprêmes. Les Suprêmes. Ouais. C'est quick ça, les Suprêmes Cheese. Pour Antoine Delance, c'est Endless Love. Avec. Moi, je Lionel sais. Richie. Ah oui, Lionel. Ouais. Écoute la fin. Aïe, aïe, aïe, le bidet, le bidet. Ah, oh, c'est beau. Trop beau, Cyprien de Cholet. L'original. Pareil avec les Suprêmes. Repris par Phil Collins, entre autres. C'est quoi, toi, Philippe? Une chanson fabriquée avec Michael Jackson. Il y a une légende qui dit que Michael Jackson, sa maman, serait Diana Ross. D'accord. Il lui a fabriqué Muscles. Une salle de sport. Hein. Le clip, ouais. Je crois que les gars, ils ont plus de sueur que moi dans toute ma vie. C'est sûr. Déménagement compris. Écoute, écoute, écoute. Tu la sens la gouttelette. Hein. Non mais. Qui coule du muscle. Normalement, franchement, pour éviter la gouttelette, faut secouer. Mais ça, c'est un truc de gars, les gars. On passe tout de suite à Diana Ross pour Eric de Besançon. Bien sûr. On l'a écouté hier, The Wiz, la bande originale du film de la comédie musicale The Wiz. Ouais. Allez. Magicien d'Oz. Violette de Caen. Julio. Julio Iglesias. Julio. Julio. Attention, ouais. On a oublié que Julio Iglesias, c'était un ténor de fou. Ah, quoi. Ouais. C'était vraiment le plus grand des lovers du monde. Eh, Julio, les gars, quand même. Ah oui, quand même. Una cerveza. Sandy. Moi, c'est The Boss. Ah, évidemment. Ça te va tellement bien. Ah, bah, c'est tout moi. Moi, si tu devais rester vraiment qu'une chanson sur Terre, je pense que ce serait celle-là. Sonia de La Rochelle, Stop, Look, Listen to Your Heart. On a l'impression qu'il y a des petits oiseaux. Oh, que la vie est belle. T'as vu le prix du diesel comme il est bas. Régis, pour terminer. Moi, c'est Stop in the Name of Love avec les Supremes. Ah, ouais. ça sent le burger. Ouais. Ah mais là, t'as ton fonzi qui sort des toilettes là. Philippe et Sandy arrivent dès 6h en direct sur Nostalgie. One more and more people just want more and more freedom and love. What he's looking for? One more and more people just want more and more freedom and love. What he's looking for? Freed from desire, mind and senses purify it. Freed from desire. 14 février, bienvenue sur Nostalgie. Une idée de sortie, tiens, pour la Saint-Valentin, si vous êtes dans la région de Nîmes ce soir, vous avez les retraites au Flambeau, 18h30, 19h30, pour découvrir les arènes sous un autre angle. Aquiléa, la gladiatrice, vous guide le temps d'une plongée dans les célébrations romaines entre mythes et légendes pour un voyage dans le temps sous le signe de Cupidon. Et vous avez dit Saint-Valentin, voici la bande-son ultime de votre soirée. Ça marche aussi pour les câlins du matin. Marvin Gaye. That's good for me. Bonjour à tous, merci de choisir Nostalgie. À tous et notamment à vous, oui, qui faites partie de la zone C. Vous rejoindrez dès ce soir la zone B pour quelques jours de vacances. Et pour Philippe et Sandy aussi, c'est la quille après cette émission du vendredi. Les matins Nostalgie, 6h-9h, avec un dernier séjour Bellambra Club à gagner, ainsi que 500 euros dans le défi à 8h50. Nostalgie. Tous les matins, 6h-9h, Philippe et Sandy vous réveillent sur Nostalgie. Pour rester de bonne humeur au travail, continuez à écouter Nostalgie. Toute la journée, tout le temps. Nostalgie, tu m'emmèneras. Les plus grands tubes. Bonjour, c'est Nostalgie, 6h pétante. Pour les infos, il sera avec nous toutes les demi-heures. Patrice Pavot, bonjour Patoche. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Les pressions américaines à quelques heures de l'ouverture de la conférence de Munich sur la sécurité. Une voiture bélier a percuté une foule de manifestants hier en Allemagne. Et puis la météo, retour des éclaircies ce matin sur le nord-est. Ce sera lumineux aussi en Méditerranée, nuageux ailleurs. Européens et autres Américains se retrouvent ce vendredi à la conférence sur la sécurité de Munich. Ce grand rendez-vous annuel de l'élite diplomatique. La guerre en Ukraine va dominer les discussions. Zelensky se rend en Allemagne où il va rencontrer la nouvelle administration américaine, pressé d'ouvrir des discussions sur un plan de paix en Ukraine. Kiev assure que des discussions avec les Russes ne sont pas envisagées à ce stade en marge de la conférence, contrairement aux annonces de Trump. Les contours d'un plan de paix sont très différents pour Kiev, ses alliés européens et Moscou. Le président américain a fait une série de déclarations pressantes pour des négociations immédiates avec la Russie. Zelensky lui insiste sur une paix juste et des garanties de sécurité, craignant que les discussions se fassent sans l'Ukraine. Les Européens affichent aussi leur inquiétude. Une paix qui soit une capitulation serait une mauvaise nouvelle pour tout le monde, avertit le président Macron. À la veille de la conférence de Munich, un jeune Afghan a blessé 30 personnes lors d'un attentat à la voiture Bélier visant une manifestation dans cette ville d'Allemagne. Le suspect qui a foncé dans la foule a été arrêté. 30 personnes ont été blessées, dont certaines grièvement. Ce drame a tendu un peu plus la campagne électorale en Allemagne, déjà dominée par les questions d'insécurité et d'immigration. Le prix Liberté de la région Normandie célèbre sa 7e édition cette année. Elle récompense une personne ou organisation engagée dans la défense des droits de l'homme. Un jury de 24 jeunes venus du monde entier est réuni à Caen pour sélectionner 3 finalistes d'ici ce soir parmi plus de 600 candidatures. Wissem Belgassem est ancien footballeur professionnel engagé contre les discriminations, notamment l'homophobie dans le sport. Il encadre leur travail. Ce prix revêt une grande importance pour lui. La liberté, c'est vraiment la valeur la plus importante dans ma vie. Et je pense que ça résonne énormément avec mon histoire où moi, j'ai la liberté de pouvoir aimer qui on veut. Je me suis restreint pendant très longtemps parce que je pensais que voilà, être homosexuel dans le football, ça m'était interdit. Je sais ce que c'est que de ne pas être libre. Pour moi, venir défendre cette valeur à travers le prix Liberté et avec toute l'histoire que porte la région, ça a énormément de sens pour moi aujourd'hui et je me sens carrément à ma place ici. 24 jeunes qui viennent de pays, là, on a la Bolivie, la Syrie, les États-Unis, le Sénégal. Surtout, ce qui est vraiment cool, c'est de voir qu'en fait la liberté chez les uns ne veut pas forcément dire la même chose que la liberté chez les autres. Confronter les différentes visions qu'on peut avoir, c'est vachement enrichissant. Témoignage recueilli par Marion Ayot. Le célèbre slogan « Être maire si je veux, quand je veux » a inspiré un nouveau livre publié aux éditions First, coécrit par le docteur Nathalie Massin, endocrinologue, et Anne-Lise Pernotte, thérapeute spécialisée en désir d'enfant et maternité tardive. Ce guide explore la maternité. Anne-Lise Pernotte, en ligne avec Anne-Fleur Gaspard, explique l'origine du projet. Nathalie, comme moi, recevions de plus en plus au sein de nos consultations des femmes qui se questionnaient sur leur désir d'enfant. Donc ça, effectivement, c'est complètement en lien avec la conjoncture actuelle, la baisse de la natalité, le fait que les femmes se questionnent de plus en plus, le désamour aussi de la maternité. Donc ce livre, il s'inscrit vraiment dans ce contexte-là et il est là pour aider les femmes à questionner leur désir d'enfant, à savoir si elles ont envie ou pas, et pour leur donner toutes les clés et toutes les connaissances nécessaires pour voir si ce projet bébé peut s'intégrer dans leur projet de vie. La déclaration de Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, voit Zidane comme un candidat naturel pour lui succéder à la tête de l'équipe de France. Il s'est exprimé chez nos confrères du journal L'Équipe. Deschamps a annoncé son départ après la Coupe du Monde 2026. La météo, soleil qui revient ce matin sur les régions du Nord et du Grand Est. Belles éclaircies également en direction de la Méditerranée. Des nuages nombreux sur l'Ouest. Les températures 2 à 17 degrés pour les maximales. 4 à Lille, 13 à Nice, 17 à Biarritz. Bon réveil sur Nostalgie. Bonjour tout le monde, bonjour Sandy. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Qu'est-ce qu'on est content de vous retrouver comme tous les matins ici entre 6h et 9h. Toute la France se réveille avec nostalgie, avec une petite programmation, les copains là ce matin, c'est un vigneron qui l'a fait. Hein. Daniel Balavoine, les Belles Stars, Indochine, Madonna, Like a Virgin. Ça va Sandy? Ça va Philippe, est-ce que c'est un vigneron amoureux puisque c'est la Saint-Valentin quand même aujourd'hui? Ben oui, bien sûr. Allez, voici le programme. Dernière chance ce matin de gagner 2000 euros de vacances avec Bellambra, mer ou montagne. Vous choisissez votre destination à 7h15 et 8h15. C'est la fête des amoureux, on en discute ensemble dans 3 minutes. Et puis tiens, justement, si vous voulez vous faire un bon resto avec votre chérie, on a 500 euros cash pour vous avant 9h et avec les centres.s. Bonjour, bienvenue sur Nostalgie. Madonna pour commencer, c'est Like Virgin. Il est 6h05. I've been had, I was sad and blue. On s'adresse aux célibataires ce matin sur Nostalgie. Qu'allez-vous faire pour la Saint-Valentin? Alors, je sais que certains disent que c'est une fête commerciale, mais nous, ça nous permet d'avoir un sujet pour l'émission. Voilà. Alors, laissez-nous tranquille. 6h08. L'info qui va bien sur Nostalgie. On va en parler tout à l'heure. Tiens, justement, la Saint-Valentin. Ouais, 60% des Français vont la fêter quand même. Pourquoi le 14 février, d'après vous? Pourquoi cette date? Pourquoi le 14 février? Eh bien, déjà, parce que c'était le jour d'une fête libertine au temps des Romains. Ils étaient bons, les Romains. Ils étaient déjà chauds, les Romains. Et puis parce qu'en Angleterre, on pensait que les oiseaux choisissaient ce jour pour se reproduire. Et du coup, les amoureux avaient du coup comme coutume de s'échanger des poèmes entre eux et de s'appeler Valentin. Ah bon, bon, écoute. Voilà. Tiens, juste deux secondes. Ouais, vas-y. Écoute la musique que Régis nous a mis pour la Saint-Valentin. J'ai cherché le truc le plus cliché qui puisse exister. C'est une musique d'attente ou C'est un hôtel, quoi. T'as la moquette épaisse comme ça, marron, avec des valises, quoi. Bah, t'es bien. Mec, il a 75 ans. C'est pas comme ça. Ouais, vas-y, voilà. Vas-y, mets le truc. Étale-moi de la crème fraîche sur le ventre. Bon, alors, fin de la suite. Bon, quelles sont les villes les plus romantiques de France, tiens? Nice, non? Des villes un peu bord de la mer? Alors, déjà, je vous explique, c'est le site Oludu qui vient de comparer des recherches internet. Tu l'as inventé, le site. Oludu, il a comparé en fait tout ce qui est restaurant romantique, fleuriste, Saint-Valentin, encore chocolatier, des bijoutiers aussi, tout ça dans chaque ville. Dans le top 3, donc, t'as Rouen. Ah, d'accord. Ok, très belle ville. Suivi de Bordeaux. Oui, oh, Bordeaux, oui, c'est vrai. Bordeaux, c'est sympa. Et puis, numéro 1, c'est La Rochelle, une ville que tu connais bien, Philippe. Oui. Voilà. Oui. C'est La Rochelle qui arrive. Paris n'est même pas dans le top 10, alors qu'on dit que c'est la ville des amoureux, la ville c'est romantique. Il y a des petits villages, par contre, qui sont très sympas. T'as le petit village de Bizou, qui est en Normandie. On va à Bizou. Ouais, ouais. Et puis sinon, t'as Bèze en Côte d'Or aussi. Ah, il est bien celui-là. Il est très, très bien. Il y a une sortie d'autoroute, paye pas le péage. Et puis, tiens, si vous cherchez une star, si vous êtes célibataire, il y a une star, elle, qui cherche l'amour en ce c'est moment sur Tinder. C'est Sharon Stone. Ah, donc, Si. Elle déboule avec le pic à glace. Non, c'est pas grave, écoute, pour faire les cailles Pérignien. Tu te fais un petit remake de Basic Instinct comme ça le jour J'ai de la Saint-Valentin. Ah oui, oui, ouais. On en remet la culotte, c'est bon. Une dinde chine sur Nostalgie. bonjour et bon réveil, vous êtes sur Nostalgie. Les belles stars pour commencer la journée, c'est mignon ça. J'adore. Et avant de partir en week-end, on vous fait un beau cadeau, l'enceinte collecteur Bluetooth et étanche Philippe et Sandy, elle est pour vous maintenant au 39-37. La France se réveille, les vacances arrivent, bonjour, c'est Nostalgie. Le week-end sur Nostalgie, on compte sur vous. Le matin, 9h, 10h et 11h, votez pour écouter jusqu'à 4 tubes de votre artiste ou groupe préféré. Samedi et dimanche, à l'honneur, Dépêche Mode. Les Rita Mitsouko. C'est comme ça. Janet Jackson. Et beaucoup d'autres. Le 4 à la suite. Le rendez-vous du week-end sur Nostalgie. À 9h, 10h et 11h. Nostalgie. Tout savoir sur. Total Energy communique actuellement sur ses principales contributions en France. Isabelle Patrier, directrice France de Total Energy, bonjour. Bonjour. Alors, que doit-on retenir ? Eh bien, en 2024, en plus de toutes les énergies que nous produisons en France, Total Energy a continué à sécuriser et à diversifier l'approvisionnement énergétique du pays en carburant et en gaz. Et concrètement, en France, ça donne quoi ? En France, on a investi massivement dans toutes les énergies, notamment dans l'électricité et les biocarburants. Mmh. Aujourd'hui, Total Energy est l'un des grands acteurs de la production d'énergie renouvelables dans tous nos territoires. Et quelles initiatives pour soutenir le pouvoir d'achat cette fois ? Déjà en station, nous avons maintenu le plafonnement des prix du carburant à 1,99 le litre et même à 1,94 pour nos clients électricité et gaz sous certaines conditions. Mmh. Et à la maison, on accompagne nos clients avec des offres d'énergie et des services pour maîtriser leur consommation et leurs factures. Parfait. Et pour en savoir plus, c'est dans la rubrique Total Energy s'engage sur totalenergy.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Si quelqu'un vous propose de roche-mazé, ne vous étonnez pas. Roche-mazé, c'est savourer des vins et des arômes issus du Pays d'Oc en toute simplicité. On peut roche-mazé avec un œuf au plat et un chardonnay. On peut aussi roche-mazé avec un syrah et un gratin dauphinois. Ou encore roche-mazé avec un cabernet sauvignon et des tomates farcies. Roche-mazé, le goût de la simplicité. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Chez Poltrone Sofa, nous devons faire de la place pour la nouvelle collection. C'est pourquoi il y a les grands stockages. Les dernières pièces sont à partir de 99 euros. Avant qu'ils ne disparaissent tous, venez vous aussi au grand stockage. Poltrone Sofa, solo divani di qualità. Et voilà. Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin. Leclerc, bonjour. Ouais, bonjour, j'ai écrit un poème pour ma Valentine. Oh, c'est mignon. Eh ben, on vous écoute. Oh, toi qui me mets en émoi, mon cœur fait boum boum quand je te vois. Ah, oui, oui, d'accord. Ouais, je sais. Mais heureusement, je lui ai aussi pris un beau bouquet de roses chez Leclerc. Alors ça, ça va lui faire plaisir à coup sûr. Et du 12 au 14 février, le bouquet de 15 roses, rouges, blanches ou roses, est à seulement 7,90€ chez Leclerc. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Hauteur des tiges 50 cm, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Mano Mano. C'est l'opération coup de propre chez Mano Mano. Profitez d'une sélection décapante pour rafraîchir votre salle de bain avec 10 euros offerts des 100 euros d'achat et la livraison gratuite sur l'appli. Ça sent pour les économies. Bricolage, maison, jardin, manomano.fr, vous pouvez le faire. Mano Mano. Offre soumise à condition, voir détails sur manomano.fr. Alors, cette voiture, j'hésite entre thermique et électrique. Bah prenez les deux. Attendez, vous me dites d'acheter deux voitures ? Non, non, je dis juste qu'avec notre nouvelle gamme hybride, vous avez le meilleur des deux. Après, si vous voulez vraiment deux voitures... Ah. Avec la nouvelle technologie Volkswagen e-hybride, vous avez enfin une bonne raison de ne pas choisir. Nouvelle Golf e-hybride, jusqu'à 143 km d'autonomie en 100% électrique et 943 km d'autonomie cumulée. Distance totale max en combinaison essence électrique. L'autonomie réelle en mode tout électrique dépend de nombreux paramètres. Conditions sur Volkswagen.fr. Pensez à covoiturer. C'est si bon. Limousine. À l'aubergine. À la bénédictine. À la poitevine. À la girondine. En mousseline. Chez Micheline. En mandarine. Façon Justine. En gélatine. À la cantine. En tartine. En tagine. En verrine. So bling bling. En smoking. En jogging. Chez la voisine. De la grande cuisine. Chez nous le bœuf. C'est si bon. Qu'il y en a pour toutes les bouches. Et oui. Bonne musique, bonne humeur. 6h-9h, les matins nostalgie. Philippe et Sandy. Nostalgie. Sometimes réveil sur Nostalgie. Salut à la France qui se lève tôt, qui travaille déjà pour que ça tourne bien. On est avec vous, avec les belles stars et Daniel Balavoine entre autres. C'est l'heure de l'horoscope de Sandy, 6h22. La soirée s'annonce glamour et sensuelle, les béliers. La lueur des bougies éclaire votre regard d'une couleur fauve. Les taureaux, pour la Saint-Valentin, c'est décidé. Vous roucoulez à la maison, vous choisissez un traiteur raffiné. Côté loup, vous voilà tout simplement irrésistible. Ce soir, les gémeaux, vous optez pour une ambiance exotique et pour un menu découverte aux saveurs inconnues. Les cancers, vous choisissez le juste milieu entre fast et simplicité. Si vous avez envie de surprendre, faites-le avec un soupçon d'humour. Lion, ce vendredi favorise la bonne humeur, gare un surplus de travail qui pourrait retarder vos préparatifs et prévoyez un plan B. Vierge, la soirée est sereine et vous avez envie de vous retrouver dans un lieu authentique. Le vrai luxe ce soir, c'est celui de la simplicité. Pour la Saint-Valentin, les balances, vous évoquez l'endroit qui a abrité votre premier tête-à-tête, un joli pèlerinage amoureux. Les scorpions, les amoureux organisent une soirée planifiée comme une réunion au sommet. Ne gâchez pas la spontanéité du moment et lâchez votre planning. Dîner, spectacle, les sagittaires, concerts, divertissement, l'harmonie naît d'une soirée bien commencée. Bravo à vous. Les capricornes, la soirée est amusante. Vous préférez retrouver des amis qui ont les mêmes idées que vous. Votre tendre moitié appréciera. Verseau, faites preuve de petites attentions, de gestes certes sobres mais tendres. Dégainez ce regard de velours qui sait si bien le ou la faire craquer. Et puis les poissons, si votre amoureux tient... Regard de velours. En pantalon. En veste. Les poissons. Pliez-vous gentiment à cette Saint-Valentin imposée. Curieusement, la soirée pourrait figurer dans vos plus tendres souvenirs. Magnifique horoscope de la Saint-Valentin. Vous retrouvez ça sur notre appli Lilicube sur Nostalgie. Vous rirez à deux, tous les deux sur les chemins, dans ton automobile, tous les deux on sera bien. Et dans le ciel il y aura des étoiles et du soleil quand on mettra les voiles. S'en aller tous les deux dans le sud de l'Italie et voir la vie en bleu, tout jouer sur un pari. Toute la nuit danser le calypso dans un dancing avec vue sur l'Arnaud. Au milieu de la nuit, en catimini, et va la navette, va la douce vie. On s'en ira toute la vie danser le calypso en Italie. Et voir à la grecque tomba dans le trompeau du Grand Paris quand Paris est à l'eau. S'en aller au matin, boire un dernier martini. Voir sur ta peau le soleil se lever, à la Madone envoyer des baisers. Au milieu de la nuit, en catimini, et va la nave et va la douce vie. On s'en ira toute la vie danser le calypso. As I lie here, thinking of you, I realize that nothing is new.